down. Frères d'armes, hérite des mêmes blèmes. Dans le groupe, pas d'ordre, précis tous du même bled. Rien qu'à marche pour moi, à part des coups par-ci par-là. Tu sais que je suis passé par là, depuis du mic, je suis inséparable. Non plus que je perde mon temps, cause à défendre. Odeur d'essence, de cendre, le son mes ondes. La nuit, je fais ma ronde. Camouflé dans cette faune, Marthe et barreaux. Je lève mon majeur vacciné, la vie que je mène, je la rose. Ces mots appartiennent au passé, des mois à bosser, fournir des faits, moi. Au pire, ça rend plus fort les défaites. Je m'en fous des faux de leurs décès. Je vois que des mondes que la vie a blessé. De quoi tu veux qu'on te parle? D'amour ou de haine, de rire ou de larmes, de douceur ou de larmes pénètrent dans nos âmes. Si tu veux qu'on résume, on a créé nos armes, exhumé la flamme. J'ai bien peur que tout crame, c'est l'ère du crime. On se bat pour l'art de la rime, là où le dollar prime. Pas la même guerre ni les mêmes victimes. Les fâches ou les bourges et les faux MC qu'on décime. En ce qui les concerne, c'est la rage qui m'anime. Paix à l'islam, car c'est toujours les mêmes qu'on blâme, les mêmes qu'on damne et les mêmes graines qu'on condamne. Ensuite, on parle de fleurs du mal, j'ai spleen du méloman, style platoon. Faire un carton au mic, mais pas dans la foule. On a tous qu'une vie, et avec tout ce qu'on voit, y'a intérêt à en profiter. Vu tout ce qu'on voit, monnaie cash, pèse, y'a plus que ça. On fait plus qu'on veut, ou on taffe tellement qu'on a fait plus qu'on peut. Ou c'est la merde, ou c'est la guerre. Tu crois que le diable te rend service, mais l'homme en est le cerveau. Donc tirez la lame avant que la troisième soit servie. Vu que si elle pète, ça va se faire vite. Du chimique dans toute sa ferveur, des armes de pointe pour nous faire voir. Cette bande de cons, ils veulent faire sauter la planète. Heureusement, je suis pas le seul à trouver sa planète. Engagé mais jamais contraint. Je suis de ceux qui pénètrent chez toi munis d'une clé de sol. Maintenant tu sais qui je représente. Laisse Riviera à vie, je dresse ma résistance. Engagé mais jamais contraint. Je suis de ceux qui pénètrent chez toi muni d'une clé de sol. Maintenant tu sais qui je représente. La misma causa, una conciencia colectiva. Ou si c'est officiel, la guerre est déclarée par nous. On coupe les ficelles pour mieux s'envoler. On laisse la paix à l'artificiel. Pas fini de gueuler, pas fini de dire ce qu'on pense. Les têtes encombrées par la récompense. On travaille les stratégies, les flows. La chasse à la tragédie des mots. Fait pour réagir, fait pour qu'on s'active. 1800 coups c'est du peur à pour les prises d'initiative. La troupe est sur le terrain, la même pensée, les mêmes âmes. Si ça doit commencer, on garde les mêmes armes. Dans le mouvement c'est la guerre, y'a peu de cœurs sensibles. Pas de balles perdues, on vise pas sensible. Le but maintenant c'est de faire pur. Hoy es luna llena, quedan a la menos hienas. Tierras salvajes, barrios devastados. Perros a uno de gorritos a 360 grados alrededor. Parece claro, hermano, el error humano. El pacto con el diablo, combatir para sobrevivir o dejarse morir. Solo en el suelo que vas a elegir. Sabrás quién pego, quién dejo en el suelo, quién levanto, quién ayudo en ese fuego vivo. A 100%, 1800, la misma causa, una conciencia colectiva. Engagé mais jamais contraint. Je suis de ceux qui pénètrent chez toi muni d'une clé de sol. Maintenant tu sais qui je représente. Laisse Riviera à vie, je dresse ma résistance. Frère d'armes, engagé mais jamais contraint. Je suis de ceux qui pénètrent chez toi muni d'une clé de sol. Maintenant tu sais qui je représente. La misma causa, una conciencia colectiva. Où sont passés les soldats de plomb? Il faut se manier, dans son maillet. Le Mac mon allié, pas que Kutz clan. Y'a pas de 3K, on suit sur ce plan. Avoir le crotte sorti, reprocher un arrêt. Son tracas, ni braquet. Ce que les mecs veulent au braquage. Les doigts, je croise, sortir ce que t'as au fond de ta cage. Son saccage, tous ses propres cascades. La vie n'est qu'un stage, comment finir sage. Stable, l'heure est grave, nouvelle croisade. Ça terrorise, plein la barre du terroriste. Y'a trop de larmes, cette saison. La raison des armes ne remplacera jamais cette arme qu'elle a raison. 6-1, 10-8-1, s'éveille. L'effet d'un sale quart d'heure sévit. Serein, cracheur de venin, on se rallie. Jamalix, ma langue, langue explose énorme. Fraction, le manque de réaction aux urnes. J'vide mes burnes sur vos intellects. Soi-disant au sommet de nos intérêts. Les droits de l'homme restent versés. Nous du mauvais versant. Alors qu'il est, y'a de quoi s'enflammer. Regarde le Big Ben Laden, Ousmane, enchaîne la zizanie. Prise d'otage assaisonnée. Assassinat aux États-Unis. Zidane a bon marqué. Ça changera rien, la guerre 5. Frère d'armes, engagé mais jamais contraint. Je suis de ceux qui pénètrent chez toi muni d'une clé de sol. Maintenant tu sais qui je représente. Laisse Riviera à vie, je dresse ma résistance. Frère d'armes, engagé mais jamais contraint. Je suis de ceux qui pénètrent chez toi muni d'une clé de sol. Maintenant tu sais qui je représente. La misma causa, una conciencia colectiva. A toi de choisir tes armes. La même cause, le même sang qui coule de nos plumes. 61 signes d'amertume. La tête sur les épaules, nos rêves circonsument. C'est rien que des mots qu'on signe. 1800 c'est nos armes. Frères d'armes.